Section 50 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 6e. Section 50. L'immortel, par Alphonse Daudet, chapitre 15. C'est abominable. Il faut répondre. L'Académie ne peut rester sous le coup. Y songez-vous ? L'Académie se doit au contraire. Messieurs, messieurs, le vrai sentiment de l'Académie, dans leur salle de réunion privée devant la grande cheminée que surmonte le portrait en pied du cardinal de Richelieu, les immortels discutaient avant d'entrer en séance. Un jour fameux et froid d'hiver parisien, tombant par la large baie du plafond, accentuait la solennité glaciale de tous ces bustes de marbre à l'alignement contre les murs. Et le vaste foyer de la cheminée, presque aussi rouge que la simarre du cardinal, ne parvenait pas à réchauffer cette sorte de petit parlement, demi-tribunal avec ses sièges de cuir vert, sa longue table en hémicycle devant le bureau, et l'huissier à chaîne gardant la porte non loin du secrétaire Picheral. C'est d'ordinaire le meilleur de la séance, ce quart d'heure de grâce laissé aux retardataires et que l'on passe à potiner tout bas, par petits groupes familiers, le dos au feu, basque relevé. Mais aujourd'hui, la causerie se généralisait, montée au ton d'une discussion publique des plus violentes, pour laquelle les arrivants prenaient voix dès le bout de la salle, tout en signant la feuille de présence. Quelques-uns même, avant d'entrer, quittant leur fourrure, leur cache-nez, leur soc, dans la salle déserte de l'Académie des sciences, entr'ouvraient la porte pour crier à l'infamie, à l'abomination. La cause de tout ce tumulte ? La reproduction dans un journal du matin d'un très impertinent rapport de l'Académie de Florence sur le Galilée d'Astiréu et le pièce historique manifestement apocryphe et bouffonne qui l'accompagnait. Ce rapport, communiqué en grand mystère au directeur de l'Académie française, agitait sourdement l'Institut depuis quelques jours, dans l'attente fiévreuse de la détermination d'Astiréu qui se contentait de répondre « je sais, je fais le nécessaire ». Et brusquement, voilà ce compte-rendu, qu'il se croyait seul à connaître, pétaradant ce matin à la première page du journal le plus répandu de Paris, avec d'outrageants commentaires pour le secrétaire perpétuel et toute la compagnie. Là-dessus, émoi, fureur, horripilation, contre l'impudent journaliste et la sottise d'Astiréu, que leur valaient ces attaques depuis longtemps des apprises, depuis que l'Académie ouvre sa porte, prudemment, aux gens de feuilles. Le bouillant laniboire, rompu à tous les sports, parlait d'aller couper les oreilles au monsieur, et ce n'était pas trop de deux ou trois collègues pour le retenir. Voyons, laniboire. L'épée au côté, jamais à la main. Le mot est de vous, que diable, bien que l'Institut l'ait adopté. Vous savez, messieurs, que Pline l'Ancien, au livre 13 de son Histoire naturelle, c'était Gazan qui rêvait tout soufflant de son trop lourd de pachyderme. Signale déjà des supercheries autographiques, entre autres une fausse lettre de Priam sur papyrus. « Monsieur Gazan n'a pas signé la feuille !» criait l'aigre Fausset de Picheral. « Ah, pardon !» Et le gros homme allait signer tout en continuant son histoire de papyrus, de roi Priam, noyé dans cette confusion de voix irritées où l'on ne distinguait que le mot « Académie, Académie ». Tout en parlant comme d'une personne réelle, vivante, dont chacun avait la conviction de connaître et d'exprimer l'intime pensée, à l'exclusion de tous les autres. Subitement, ses cris aériens s'arrêtèrent devant Astiréu, entrant, signant, posant très calme à sa place de secrétaire perpétuel, la lourde serviette qu'il tenait sous le bras, puis s'avançant vers ses collègues. « Messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. J'avais fait porter à la bibliothèque pour l'expertise les 12 à 15 000 autographes qui composent ce que j'appelais ma collection. Eh bien, messieurs, tout est faux. Tout. L'Académie de Florence avait dit vrai. Je suis victime d'une immense mystification. » Pendant qu'il essuyait son front mouillé de grosses gouttes après l'effort de cet aveu, quelqu'un demanda avec insolence. « Et alors, monsieur le secrétaire perpétuel ?»« Alors, monsieur d'Anjou. » Il ne me restait plus qu'à porter plainte. C'est ce que j'ai fait. » Et comme ils protestaient tous, déclarant qu'un procès pareil était impossible, qu'il ridiculiserait la compagnie, désespéré vraiment, mes chers collègues. Mais ma décision est irrévocable. D'ailleurs, l'homme est en prison, et l'instruction commencée. » De rugissements pareils à ceux qui accueillirent cette déclaration, jamais la salle des séances privées n'en avait entendu. Et comme toujours, entre les plus furieux, se signalait Laniboire, vociférant que l'académie devrait se débarrasser d'un membre aussi dangereux. Dans un premier coup de colère, quelques-uns examinaient tout haut la proposition. Était-ce faisable? L'académie, compromise par un des siens, pouvait-elle lui dire « Allez-vous-en, je me déjuge, immortel. Je vous rejette au commun des mortels. » Tout à coup, soit qu'il eût saisi quelques mots du débat, ou par une de ces curieuses divinations dont s'élucident parfois les surdités les plus hermétiques, le vieux Réu, qui se tenait à l'écart et loin du feu, crainte d'une attaque, proféra de sa forte voix sans diapason. Sous la Restauration, pour des motifs de simple politique, nous éliminâmes jusqu'à 11 membres. L'ancêtre eut son mouvement de tête certificatif, qui prenait à témoin ses contemporains de ce temps-là. Buste blanc, aux yeux vides, aligné sur des piédestaux autour de la salle. « 11, bigre !» murmura d'Anjou dans un grand silence. Et Laniboire, toujours cynique. « Tous les corps constitués sont lâches. C'est la loi de la nature. Il faut vivre. » Alors Épinchard, qui s'affairait à l'entrée avec le secrétaire Picheral, rejoignit ses collègues et tout bas, entre deux quintes, déclara que le secrétaire perpétuel n'était pas seul coupable dans cette affaire. À preuve le procès-verbal du 8 juillet 1879, dont on allait donner lecture. De sa place, la petite voix de Picheral commença, guillerette et très vite. Le 8 juillet 1879, Léonard-Pierre-Alexandre Astiréan fait don à l'Académie française d'une lettre de Rotrou au cardinal de Richelieu sur les statuts de la compagnie. L'Académie, ayant pris connaissance de cette pièce inédite et très curieuse, félicite le donataire et décide que la lettre de Rotrou sera insérée au procès-verbal. La voici textuellement. Ici, le début du secrétaire se ralentit, appuyant malicieusement sur tous les mots. Textuellement, c'est-à-dire avec la négligence qui se rencontre dans les correspondances familières, et confirme l'authenticité du document. Sous le jour décoloré qui tombait du vitrage, tous debout et immobiles, évitant de se regarder entre eux, ils écoutaient avec stupeur. Irais-je la lettre aussi ? Picheral souriait, s'amusait beaucoup. La lettre aussi, dit Épinchard. Mais dès les premières phrases, on cria « Assez ! Assez ! Cela suffit !» Ils en rougissaient maintenant de cette épître de Rotrou, dont l'imposture crevait les yeux. Un pastiche d'écolier, tournures impropres, la moitié des mots ignorés de ce temps-là. Quel aveuglement ! Comment avait-il pu ? Vous voyez donc, messieurs, que nous serions malvenus à accabler notre infortuné collègue, reprit Épinchard, et tourné vers le secrétaire perpétuel, il l'adjura de renoncer au scandale d'un procès dont la compagnie tout entière et le grand cardinal lui-même seraient atteints. Mais ni la chaleur de l'apostrophe, ni l'ampleur oratoire du geste vers le camail du cardinal fondateur, ne vinrent à bout du farouche entêtement d'Astiréu, qui, fermé droit devant la petite table servant de tribune au milieu de la salle, pour les lectures et communications, les poings serrés comme s'il avait peur qu'on lui arrachât sa volonté des mains, affirmait que rien, entendez-vous, rien n'entamerait sa résolution. Et ses gros doigts fermés sonnant avec colère sur le bois dur. « Ah, messieurs, j'ai déjà trop attendu, trop cédé à des considérations de ce genre. Comprenez donc qu'il m'étouffe, ce Galilée. Que je ne suis pas assez riche pour acheter, et que je vois aux vitrines des libraires avec mon nom en complicité de ce faussaire. Ce qu'il voulait, en somme. Arracher lui-même les pages véreuses de son œuvre, en faire un public autodafé, dont ce procès lui fournirait l'occasion. Vous parlez de ridicule, mais l'académie est bien trop haute pour le craindre. Quant à moi, ruiné, bafoué, il me restera le fier contentement d'avoir mis mon nom, mon œuvre et la dignité de l'histoire à l'abri. Je n'en demande pas davantage. » Sous l'emphase de sa parole, il y avait un accent de sincérité, de droiture, qui détonnait dans ce milieu ouaté de toutes sortes de compromissions, d'enveloppements. Soudain, l'huissier annonça « Messieurs, 4 heures, 4 heures, et les funérailles de Ripo-Babin qui n'étaient pas finies de régler. « Au fait, oui, ce pauvre Ripo-Babin, » fit d'Anjou d'un ton de gouaille. Il est mort à temps, celui-là, déclama sombrement la Liboire. Mais le fait de son mot fut perdu. L'huissier criait « À vos places !» Le directeur agitait sa sonnette, ayant à sa droite le chancelier des Minières et à sa gauche le secrétaire perpétuel, lisant avec sa calme assurance reconquise le rapport de la commission des obsèques, parmi des chuchotements animés et les tintements du grésil sur le vitrage. « Comme vous avez fini tard aujourd'hui, » ronchonna Corentine ouvrant la porte à son maître. « Encore une que l'Institut n'impressionnait pas. « Monsieur Paul est dans votre cabinet avec madame. Passez par les archives. Le salon est plein de monde pour vous. » Sinistre, ces archives, où restaient seulement les appuis des cartonniers, comme après un vol ou un incendie, il évitait d'y entrer d'ordinaire. Mais aujourd'hui il les traversa fièrement, redressé par la résolution prise, par la déclaration qu'il venait de faire en séance. Après ce grand effort de volonté, de courage, l'idée que son fils l'attendait lui était douce, une détente. Il ne l'avait pas revu depuis le duel. Depuis l'émotion ressentie devant son grand garçon couché, plus blanc que ses draps. Et ce faisait une joie d'aller à lui, les bras tout grands, de le prendre, de le serrer longtemps, bien fort, sans rien dire. Mais sitôt rentré, en voyant la mère et le fils rapprochés, chuchotant les yeux à terre, toujours avec leur air mystérieux et complice, son effusion tomba. « Vous arrivez donc, mon Dieu, » dit madame Astier, coiffée pour sortir. Puis, à demi-sérieuse, sur un ton de présentation, « Cher ami, monsieur le comte, Paul Astier, maître, » fit Paul s'inclinant. Astier et Hue les regardaient tous deux, fronçant ses gros sourcils. « Le comte Paul Astier ?» Le garçon, toujours joli sous le hâle de ses 6 mois de plein vent, raconta qu'il venait de s'offrir un titre de comte romain, moins pour lui que pour honorer celle qui allait prendre son nom. « Tu te maries ?» demanda le père de plus en plus méfiant. « Et avec ?»« La duchesse Padovani. »« Tu es fou ? Mais elle a 25 ans de plus que toi, la duchesse. Et puis ?» Il hésitait. Cherchait une formule respectueuse. Et enfin, brutalement, on n'épouse pas une femme qui, au vu et au sous de tous, vient d'appartenir pendant des années à un autre homme. Ce qui ne nous a jamais gênés, du reste, pour dîner régulièrement chez elle et lui avoir une foule d'obligations, siffla madame Astier, sa petite tête dressée pour l'attaque. Sans lui répondre, ni même la regarder, comme ne la jugeant pas compétente de ces choses de l'honneur, le bonhomme joignit son fils et d'un accent convaincu, les larges méplats de ses joues remuées par l'émotion. « Ne fais pas cela, Paul, pour le nom que tu portes. Ne fais pas cela, mon enfant, je t'en prie. » Il l'empoignait par l'épaule, le secouait d'un geste attendri, à la vibration de ses paroles. Mais le jeune homme se dégageait, n'aimant pas ses démonstrations, se défendait de phrases vagues. « Je ne trouve pas, ce n'est pas mon sentiment. » Et devant la fermeture de ce visage au fuyant regard, ce fils qu'il sentait si loin de lui, le père instinctivement élevait la voix, invoquant son droit de chef de famille. Un sourire qu'il surprit entre Paul et sa mère, preuve nouvelle de leur connivence en cette ignominie, acheva de l'exaspérer. Il tonna, délira, menaçant de protester publiquement. D'écrire aux journaux, de les flétrir tous deux, la mère et le fils, dans son histoire. C'était sa menace terrible entre toutes. Quand il disait d'un personnage du passé, « Je l'ai flétri dans mon histoire. » Nul châtiment ne lui semblait comparable. Pourtant, les deux alliés ne s'en émouvaient guère. Madame Astier, faite à cette menace de flétrissure presque autant qu'au charriement de la malle par les couloirs, se contenta de dire, en boutonnant ses gants, « Vous savez qu'on entend tout d'à côté. » Malgré la porte et les tentures, la rumeur d'une causerie se distinguait venue du salon. Alors, comprimant et râlant sa colère, « Écoute-moi bien, Paul, » dit Léonard Astier, l'index levé dans la figure du garçon. « Si cette chose dont tu parles s'accomplit, ne compte pas me revoir jamais. Je ne serai pas là le jour de ton mariage. Je ne veux pas de toi. Même à mon lit de mort, tu n'es plus mon fils. Je te chasse et je te maudis. » Paul répondit, très calme, avec une retraite de corps devant le doigt qui le frôlait. « Oh, vous savez, mon cher père, maudire, bénir, ce sont des affaires qui ne se font plus dans les maisons. Même au théâtre, on ne maudit plus, on ne bénit plus. » Mais on châtie encore, monsieur le drôle, gronda le vieux, la main haute. Il y eut un cri furieux de la mère. « Léonard !» Tandis que, d'une alerte parade de boxe, Paul détournait le cou, aussi tranquille que dans la salle de Keiser, et sans lâcher le poignet rabattu, murmurait « Ah non, pas ça ! Jamais !» Le vieil Auvergnat, furieux, essayait de se dégager. Mais si vigoureux qu'il fût encore, il avait trouvé son maître, et pendant cet horrible instant où le père et le fils se souffraient leur haine dans la figure, croisaient des regards d'assassins, la porte du salon s'entrebâilla, laissant passer le sourire poupin et bon enfant d'une grosse dame panachée de plumes et de fleurs. « Pardon, cher maître, rien qu'un mot. Tiens, Adélaïde est là. Et monsieur Paul aussi, charmant, divin. Oh, ah, un tableau de famille. » Tableau de famille, en effet, mais de la famille moderne, atteinte de la longue fêlure qui court du haut en bas de la société européenne. L'attaque dans ses principes de hiérarchie, d'autorité. Fêlure plus saisissante ici à l'Institut sous la majestueuse coupole, où se jugent et se récompensent les vertus domestiques et traditionnelles. Fin de la section 50.